De popularité, le président Nicolas Sarkozy et son premier ministre François Fillon ont enregistré en septembre un très net régime. Un total de 61% des personnes interrogées indiquent être prêtes du tout satisfaite et que le département 62% alors que 36% s'en déclare plutôt très nécessaire. François Fillon. Avec 56% de personnes très ou plutôt satisfaites contre 64%. Mettons 6% de personnes s'interrogent. Déclaré plutôt ou très mécontent. 6%. Les chefs du gouvernement, du gouvernement, du gouvernement, et enfin,